arrive. Ça y est, tu fais comme un grand maintenant. Ouais. Ça va où? Quoi? Bah, dans les toilettes. Ça part où après? Bah, dans les égouts, je crois. Je sais pas. Ça va sous la terre? Bah oui, sous la terre, oui. Et il y a des gens qui vivent sous la terre. Mais non. Allez, viens, culotte-toi. Et je peux tirer la chasse? Oui. Allez. Voilà. Moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui vivent sous la terre. J'ai mal à les mains. Moi, j'ai mal aux mains, Squeak. Je sais, Booz, je sais. Toujours ce geste. On lève la pioche et on la bat comme un couperet sur la pierre. Et on creuse des galeries ici et là. Nous sommes des millions à vivre ici. Et des milliers à creuser pour que notre ville grandisse. Et nous creusons. Au mépris des nombreux dangers. Squeak, le grondement. Un fou les boules. C'est un fou les boules. Le pauvre Skag, nul n'aurait pu dire parmi tous les creuseurs d'où venaient les foulées boules. Des monstres bruns qui fondaient sur leur proie pour s'éclater au sol. Skag aurait peut-être pu nous dire ce que c'était. Mais dans l'état dans lequel il se trouvait, il ne pouvait plus dire grand-chose. À tous les creuseurs, à tous les creuseurs, alerte foulée boule terminée. Je répète, alerte foulée boule terminée. Vous pouvez reprendre le travail. Je m'appelle Squeak, je suis un creuseur. Tout comme mon ami Booz, tout comme des milliers d'autres. Allez, on voit le sec, les gars! Vous avez bien bossé! Wow, ouais, mais c'est super! Ça y est, la journée est finie, Booz. Virez-moi, s'il te plaît, le teuf d'ici! Allez, on arrête de se caresser, bande de larves, et on se bouge les petites jambes! J'en pouvais plus! J'avais tellement de cloques aux mains que j'aurais pu faire une collection de cloques! Mais comme je fais pas de collection de cloques, bah ça sert à rien. Allez, viens, on retourne à la ville. Salut Squeak, à demain. Salut Squeak. À demain. Ciao les gars. Putain, qui c'est qui m'a pété mon casque? Hé Booz, qu'est-ce que tu fais aussi comme ça? Tu danses? J'ai envie de faire pipi. C'est quelqu'un qui m'a pété mon casque. Avis à tous les creuseurs, ils n'ont pas encore fini leur décharge de biens. Leur assurance vie, leur livret épargne et leur formulaire orange. Vous êtes priés de vous signaler auprès de votre chef d'équipe avant la fin de la journée. Et n'oubliez pas, nous creusons pour votre service. Nous creusons pour aller au fond des choses. Chaque jour, le même rituel. Se lever, prendre un chariot, creuser, manger, creuser, prendre un chariot à nouveau, puis rentrer chez soi. Ah, voiture, tout le monde! Chariot en direction du quartier nord! Compostez vos billets! Et pas là! Pas là! Là, dans la bouche à composter les billets! Je m'ai trompé! Pardon! C'est le nôtre, Squeak! Le chariot a démarré avec quelques petites secousses. Nous étions une dizaine dedans. Une dizaine de creuseurs qui rentraient chez eux dans la grande ville après une journée de boulot. Une dizaine au visage harassé, presque tuméfié par la poussière brassée durant des heures. Je m'appelle Squeak, je suis un creuseur. Je fais ce métier depuis ma plus tendre enfance. Ici, on ne choisit pas ce qu'on veut faire plus tard. Ici, on le décide pour nous. Avec mon copain Booz, on creuse la terre depuis des années. Et on est vraiment bon, hein. Le chariot roulait à vive allure, virage, ligne droite, courbe, descente, montée. Jusqu'à pénétrer dans l'immense caverne qui abritait les miens. Ma famille, mon peuple, Wish City. Une succession de hautes tours et de larges bâtiments se mélangeant aux stalactites. Des routes aériennes, des métros, des lumières aveuglantes. Et le plafond de la caverne sur lequel venaient s'accrocher les chauves-souris. Wish City, ma ville. Je suis un Bifwish, Un bifouish, ça voyage pas. Un bifouish, ça ne se bat pas. Et pourtant, l'histoire que je vais vous raconter, la mienne, dépasse de loin ce qu'on a coutume d'imaginer d'un gnome des profondeurs. Bifouish.